Dieu pour vos prières aussi. Parce qu'en réalité, nous avons fait ce long trajet. Je peux dire, si je veux compter, c'est presque 2000 km à l'aller seulement. Le retour, il faut ajouter encore. C'était vraiment long, très long. Mais nous n'avons eu qu'une seule panne. Et cette panne, on l'a découverte quand nous sommes arrivés à Bamako, dans notre lieu de résidence. Nous avons dormi, nous sommes levés le matin. Et Traoré est sorti, il a dit que que le véhicule s'est penché. Effectivement, quand nous avons regardé, c'était la roue avant qui était totalement dégonflée. Imaginez, si c'était en route, ça allait être un peu difficile, mais c'était juste quand nous sommes arrivés, nous avons dormi, on s'est levé le matin pour nous rendre compte qu'il y avait une panne. Ça a été résolu et nous avons fait notre trajet sans difficulté. Vous avez les salutations des frères et sœurs de l'église de Bamako Koura. Le dimanche passé, nous avons fait le culte chez eux parce que le pasteur a fait des études avec le pasteur Traoré à Bangui. Et ils sont de bons amis. Vous avez les salutations aussi des frères de Kenieba et vous avez les salutations des frères Dialonke de Faléa. C'est là que nous sommes allés. C'était notre point de chute. Un coin entre la Guinée et le Sénégal. Donc c'est vraiment dans le coin. C'est vraiment assez proche de ces deux frontières-là. C'était vraiment la grâce de Dieu. Un peuple qui n'est pas du tout atteint. Il y a eu une tentative de mission. Ça n'a pas marché. Et je peux dire que ça, c'est la deuxième tentative. Et cette deuxième tentative, nous avons été approché parce qu'il y a un des missionnaires qui a fait le Burkina ici, Peterson. La mission qui avait envoyé Peterson, c'est cette mission qui est en train de faire le travail. Et comme depuis lors, ils ont gardé des contacts avec IMM, ils ont demandé à ce que nous, en tant qu'église africaine, que nous venons leur donner un coup de main. Nous voulons dire merci à Dieu. Ils nous ont chargés réellement de les aider. Et les aider, il faut qu'au niveau de l'église évangélique Ménonite du Burkina, nous pensons à envoyer un missionnaire en leur sein pour un bout de temps avant qu'eux aussi ne puissent envoyer des gens se former et revenir les soutenir dans leur communauté. Donc, c'est un sujet de prière que je voudrais que chacun de vous puisse penser à cela. Ce n'est pas facile, mais l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Amen. Il n'y a pas de facilité dans l'œuvre de Dieu. Si c'est pour le salut des âmes, ceux qui ont eu le courage, parce que vous voyez, avec le Mali, on allait dire que c'est un peu compliqué, mais il y avait deux missionnaires qui sont allés avec nous. Le missionnaire qui s'occupe de cette zone, il est à Kédougou, au Sénégal, et il y a eu un qui a été envoyé par son église pour venir nous accompagner dans cette mission. Ce sont des gens qui ont risqué. Nous avons tous risqué, mais je peux dire, eux, ils ont plus risqué que nous. Parce que si aujourd'hui, on dit à un missionnaire d'aller en profondeur au Mali, ça va être difficile. Mais ils ont accepté, ils ont risqué. Et nous avons tous pris le risque parce que notre Dieu est un Dieu fidèle, est un Dieu qui protège. Donc, si on nous demande, nous, en tant qu'église du Burkina, de nous préparer pour venir aider, je crois qu'il faut qu'on aille le faire. Donc, prions dans vos maisons, pensez aux Dialonke. C'est un très grand peuple étalé entre le Mali, la Guinée et le Sénégal. Ils sont assez nombreux. Donc, voilà des gens qui demandent du soutien. Et je pense que tous, nous pouvons soutenir en priant. Nous pouvons même soutenir en nous engageant comme missionnaires. Pourquoi pas? Donc, continuez à prier pour les Dialonke. C'est justement pendant cette mission que je me suis posé beaucoup de questions. En réalité, j'ai eu une question principale et cette question, je l'ai tirée de l'observation que j'ai faite pendant notre séjour. Nous avons quitté le Burkina pour aller auprès de ce peuple. Je crois que nous avons fait ce que le Seigneur Jésus demande de faire. Quand nous lisons dans Actes 1, au verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit d'aller témoigner à partir d'où? de Jérusalem, ensuite Judée, Samarie et les extrémités de la terre. Nous avons quitté, ce n'était pas notre Jérusalem. Nous avons quitté et nous sommes allés en dehors de notre Jérusalem, si je considère la chose comme ça. Et les dialonqués sont chez eux, c'est leur Jérusalem. Mais pendant les discussions, pendant tout ce que nous avons eu comme rencontre, il n'y avait qu'un seul but. Le missionnaire avait demandé, est-ce que les dialonqués peuvent aujourd'hui s'occuper d'eux-mêmes, c'est-à-dire continuer cette œuvre de témoignage en leur sein? C'était la question qui était posée. Et pendant tout le temps, nous avons discuté pour voir est-ce que les conditions étaient réunies. Et une des discussions, quelque chose qui m'a un peu secoué, est que il y a eu une première mission qui a été, c'est un des missionnaires des États-Unis aussi, mais il y a eu un échec. Et c'est après cela que cette nouvelle mission repart. Et dans les discussions, à travers les remarques qui ont été faites, il y avait quelque chose que nous, en tant qu'Africains, nous ne comprenons pas très bien. Et l'explication qu'on nous a donnée était que lorsque les premiers missionnaires sont venus, ils ont commencé à évangéliser. Les gens sont sortis, il n'y a pas de chrétiens en leur sein. C'est l'islam et la religion traditionnelle. Et surtout, la religion traditionnelle. Les gens sont sortis, ils sont allés, ils ont écouté, ils sont allés en masse. Mais quelque temps après, tout le monde a disparu. Il n'y avait que quelques-uns. Et le missionnaire, qu'est-ce qu'il a fait? C'est une zone aurifère. Donc vous savez, quand il s'agit d'une zone aurifère, presque tous les bras valides vont où? Ils vont chercher l'or. Donc finalement, personne ne cultive. Et si on ne cultive pas, ça veut dire que la nourriture devient chère. Ils ont leur nourriture qui vient d'à peu près 700 km. C'est très coûteux. Donc, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans la famine. Et le missionnaire s'est rendu compte qu'il y avait la famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé des vivres. Et en payant ces vivres, il a fait deux prix. Moitié prix pour ceux qui venaient à l'église. Et puis, prix plein pour ceux qui ne viennent pas. C'est une manière pour lui d'encourager peut-être ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Et aussi attirer ceux qui n'étaient pas encore là. Mais moi, je vous pose la question. Une fois le riz épuisé, qu'est-ce qui va se passer? Voilà ce qui s'est passé. Et je me suis posé la question. Le Seigneur a envoyé ses disciples pour l'établissement de ce royaume. Il a dit de commencer par Jérusalem, ensuite la Judée, la Samarie et les extrémités de la terre. Y avait-il une technique? Parce que ce que j'ai vu, ce que nous avons compris à travers ce qui s'était passé, c'est comme si on avait voulu utiliser une technique. Ça n'a pas marché. Et je me suis posé moi-même la question. Eux, ils sont dans leur Jérusalem. Nous avons quitté notre Jérusalem. Est-ce que nous-mêmes, dans notre Jérusalem que nous avons abandonné, il n'y a pas de questions qui se posent? Voilà pourquoi l'idée m'est venue de me poser la question. As-tu évalué ton témoignage dans ta Jérusalem? As-tu évalué ton témoignage dans ta Jérusalem? Parce que chacun a sa Jérusalem, n'est-ce pas? Ils ont la leur, nous avons la nôtre. Et à travers les Écritures, j'ai essayé de comprendre un peu, parce que Jésus a donné une feuille de route, et je crois qu'elle était complète. Il a dit, le Saint-Esprit viendra, vous recevrez une puissance. Et je crois que cette puissance est venue. Et après qu'ils aient reçu cette puissance, il leur a dit de commencer à témoigner. Il n'a pas dit autre chose. Le terme, c'est témoigner, c'est ça? Certains diront prêcher. Non, il a dit témoigner. Et ce terme aussi, parce que si on dit témoigner, c'est quelque chose. Témoigner, en commençant par Jérusalem, ensuite Judée, Samarie. Ce matin, je voudrais que nous examinions quelques exemples. Parce que le Seigneur n'a jamais envoyé ses disciples sans avoir donné d'exemple. Il a toujours été un bon pédagogue. Chaque fois qu'il demande aux disciples de faire quelque chose, c'est que lui-même a déjà donné l'exemple et il leur a donné la voie à faire. Nous avons des voies. Alors, sur ces voies, nous allons essayer de comprendre un certain nombre de choses. Il y a des difficultés dans témoigner, et surtout dans notre Jérusalem. Et ces difficultés, comment est-ce que nous pouvons les surmonter? Parce qu'il y en a. J'ai pris trois exemples. Le premier exemple que j'ai pris, c'est la femme samaritaine. Je crois que si je dis la femme samaritaine, tout le monde sait que c'est Jean, chapitre combien? Hein? Jean? 4, voilà. Quand on dit la femme samaritaine, tout le monde sait que c'est Jean. Et puis c'est chapitre 4. Le premier exemple, c'est la femme samaritaine. Le second exemple, j'ai pris le fou de Gadara. Et le dernier exemple, c'est cet aveugle-né qui a retrouvé la vue. Nous allons voir à travers ces textes-là, même si je ne vais pas lire le complet des chapitres, nous allons voir comment ces gens, ce qu'on leur a demandé de faire dans leur Jérusalem. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme difficulté dans leur Jérusalem? Et comment nous, qui sommes dans notre Jérusalem, est-ce que nous n'avons pas les mêmes difficultés? Parce que je crois que ces difficultés font quelquefois qu'on préfère laisser sa Jérusalem et aller dans la Judée. On saute des étapes. Parce que je crois que c'est souvent plus facile d'aller chez quelqu'un d'autre et parler de Jésus que de rester chez soi. C'est pas vrai? Fidèle, c'est pas vrai? Tu arrives à côté là, tu dis non, Jésus est ceci, on dit fidèle, on t'a déjà vu. Faut arrêter. Ça, c'est une chanson qu'on connaît, on t'a vu ici. Tu fais quoi? Donc, souvent, c'est difficile. Et nous allons voir les difficultés que ces gens ont rencontrées. Mais il n'est pas impossible de surmonter ces difficultés. Il y a des solutions. Allons dans le premier texte, dans Jean, au chapitre 4. Nous n'allons pas tout lire, comme je l'ai dit. Le Seigneur... C'est moi? C'est votre chose là-bas qui fait peur. Colin, il ne faut plus que ça fasse encore peur. Hein? Parce que tu risques de me chasser devant mon micro. Ok. En lisant le texte dans Jean au chapitre 4, nous qui avons déjà lu ce texte, nous savons qu'il y a eu un dialogue entre Jésus et puis cette femme samaritaine, n'est-ce pas? Un long dialogue. Et il y a les versets 17 à 19 où il y a eu un déclic. Je voudrais que quelqu'un lise cela. Jean 4, 17 à 19. La femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama, maître, je vois que tu es un prophète. Ok, merci. Au verset 16, Jésus lui a dit, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Va, appelle ton mari et viens ici. Pendant tout ce temps où ils ont discuté, parlé de Jésus lui avait dit de lui donner de l'eau. Et la dame, dans les discussions, Jésus a fini par lui dire, « Si tu savais qui j'étais, moi j'ai de l'eau, j'ai une eau vivante pour toi. » Et la dame lui pose des questions. Donc, à travers les discussions, jusqu'à ce qu'ils atteignent ce point où Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. Moi, je vous pose la question. Le texte ne nous dit pas qu'est-ce qu'il voulait dire au mari, n'est-ce pas? Mais, vous et moi, si Jésus lui dit, va et appelle ton mari qu'il vienne ici, c'était pour dire quoi? Il ne va pas l'appeler pour rien. Probablement, c'est pour aussi lui parler. Il est en train de parler à cette femme. Il a quelque chose, il a un message pour cette femme. S'il dit, va appeler ton mari et reviens ici, ça veut dire, va, ramène-le, vous venez ensemble. C'est ça, non? Mais voyez, le déclic est venu de là. La dame a dit, je n'ai pas de mari. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ce n'est pas vrai. Elle en a eu combien? 5 et il dit, le sixième là-même, avec lequel n'est pas ton mari. Bon, moi je vous pose la question. Ça, c'est compliqué. Cette femme ne connaissait pas Jésus. Elle savait que ce n'était pas quelqu'un qui vivait chez elle, qui était dans son village, qui aurait dû apprendre ou bien qui a entendu tout ce qu'elle a fait. Non. Cet homme avec qui elle venait de discuter n'était qu'un étranger. Et que cet étranger lui décortique ce qui était sa vie, ça, c'est quelque chose de difficile, de très étonnant. Et voilà, elle a tiré la conclusion. Donc, tu dois être un prophète. C'est ça? Et elle court pour informer les autres. Regardez, elle est dans sa Jérusalem. C'est pas cela? Elle est chez elle. Elle a, à travers la discussion avec cet homme, reçu un message et cet homme lui a révélé qui elle était. Peut-être les gens du village, tous ne connaissaient pas qui était cette femme. Si une femme change de mari comme ça, il y a des fois, vous avez l'occasion, vous savez que ah, c'est encore un nouveau. Mais vous n'êtes pas sûr que vous allez connaître tous ces maris-là. Jésus lui a dit même, tu as eu déjà 5 et celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Ça veut dire quoi? Que lui aussi va s'évanouir. Lui aussi va partir. Ou c'est elle qui va partir. Regardez. Ça touchait la dame au point où elle repart au village pour dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Est-ce que c'est glorieux ça, ce qu'elle a fait? Moi, je vous pose la question, est-ce que c'est glorieux? Dire, il m'a dit que j'ai eu déjà 5 maris et celui-là est le 6e. Les femmes aiment dire ça? Non, ça c'est pas l'honneur. On aime qu'on dise, voilà, c'est son mari là. C'est lui, c'est son mari là comme ça. Mais jusqu'à 5 et encore un 6e, non. Mais regardez, elle va dire ça aux gens. Qu'est-ce que vous pouvez penser de cette femme là? Pour qu'elle puisse aller repartir dire aux gens au village, venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Pour qu'elle puisse dire cela, ça veut dire qu'elle a reconnu en elle ce qu'elle a fait d'abord n'est pas bien. Si quelqu'un accepte dire aux gens ce qu'il a fait, si ce n'est pas bien, ça montre une certaine humilité. On rentre en soi. On aime crier fort que tout le monde sache ce qu'on a fait de bien. Mais ce qui n'est pas bien, on n'aime pas dire ça. Donc voilà déjà quelque chose qui montre que cette femme a été sérieusement touchée. Il y a un changement en elle. Elle va vers ces gens. Et si vous lisez la suite du texte, vous voyez que effectivement, les gens sont sortis pour venir. Pour écouter. Ils sont venus écouter. Mais je voudrais qu'on voit la suite. Qu'est-ce que ces gens disent de cette femme-là? Je voudrais que nous lisons les derniers versets. Non, pas les derniers versets. À partir du verset 40. Moumouni peut lire dans sa version toujours. 40 à 42. Oui. C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux, et Jésus restait là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire à cause de ce qu'il disait lui-même. Et il déclarait à la femme, mm-hmm. Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je vous pose la question. Cette dernière partie-là, quand ils disent à la femme, nous n'avons pas cru à cause de ce que nous avons entendu de toi, mais c'est ce que nous avons entendu de lui. Dans quelle position elle place cette femme-là? Est-ce qu'il considère qu'elle était importante? Je vous pose la question. Est-ce qu'il considère que cette femme-là est importante? Non. Il ne considère pas cette femme comme importante. Pourtant, vous et moi, nous savons que c'est cette femme qui a couru aller les informer. Elle a été le canal quand même. Mais vous voyez ces gens, qu'est-ce qu'ils ont comme pensée? Cette femme qui change les maris comme habit, c'est elle. Nous, on va dire qu'on est d'accord que c'est par elle que nous avons... Non. C'est ça, c'est la raison pour laquelle ils lui ont dit ça. Ne crois pas que c'est à cause de ce que tu as dit que nous avons cru. Non, c'est à cause de ce que nous avons entendu de lui-même. Elle a fait son travail dans sa Jérusalem. Mais je vous pose la question, est-ce qu'elle était considérée comme une qui a fait un gros travail? Pas du tout. Pourtant, c'est par elle que ces gens ont pu entendre le message du salut de Jésus. Ils ont même demandé à ce qu'il reste 2 jours. Être dans sa Jérusalem, aller même témoigner. Elle allait témoigner. Son témoignage, c'était lequel? Son témoignage était assez simple. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire qu'elle a enjolivé. Si c'était vous et moi, nous allons dire qu'il y a un homme là-bas qui est un prophète. Il dit aux gens tout ce qu'ils ont fait. Ça, c'est ce qu'on va dire. Pour ne pas dire, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pas cela? Je vous pose la question. Facilement, on accepte de dire tout ce qu'on a fait qui est mal? Non. On allait en couvrir cela de quelque chose de joli pour éviter de parler de nous-mêmes. Mais son message, c'est-à-dire le témoignage qu'elle a fait, c'était un témoignage simple, ça la concernait elle-même. Et c'est ce que le Seigneur a fait dans sa vie. À travers ces échanges, voilà ce qu'elle a reçu. Ça, c'est le témoignage. C'est ce que Jésus demande, non? Allez, témoignez. À partir de Jérusalem, ensuite, on continue. Voilà le témoignage. On n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Et ce témoignage, on l'a presque tous les jours, n'est-ce pas? Bien. Allons avec le second exemple. Le fou de Gadara. Nous allons lire quelques versets dans Luc 8. Vous avez trouvé Luc 8? Le passage, c'est à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Mais j'allais demander simplement de lire le verset 34 à 37. Vous venez à français courant, vous pouvez nous lire. Luc 8, 34 à 39. Oui. Quand les hommes qui gardaient les forts virent ce qui était arrivé, ils s'enfuient et portaient la nouvelle dans la ville et dans les fermes. Les gens sortirent pour voir ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme dont les esprits mauvais étaient sortis. Il était assis au pied de Jésus, il portait des vêtements et était dans son bon sens. Et ils prirent peur. Ceux qui avaient tout vu leur racontèrent comment l'homme possédé avait été guéri. Alors toute la population de ce territoire demanda à Jésus de s'en aller de chez eux. Là, ils avaient très peur. Jésus monta dans la barque pour partir. L'homme dont les esprits mauvais étaient sortis priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne chez toi et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. L'homme s'en alla donc et proclamant dans la ville entière tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Quel est le témoignage que Jésus lui demande de faire? Ce que Dieu a fait pour lui. Pas plus. Vous voyez, il a voulu repartir d'abord avec Jésus. Parce qu'avec Jésus, il a reçu quelque chose, n'est-ce pas? Avec Jésus, c'est sûr qu'il sera plus à l'abri. Mais ici, lorsqu'il a dit qu'il voulait aller rester avec Jésus, Jésus lui a demandé de repartir chez lui. Donc c'est ça, Jérusalem à lui. Repart là-bas, commencez. Moi, je vous pose la première question. Est-ce que vous croyez que ça va être facile pour cet homme de commencer à parler? Ça va être facile pour lui? Pourquoi? Oui, Jacob. Si vous lisez le début, c'était quelqu'un qui était très dangereux. Et à cause de cela, on l'attachait avec des chaînes, mais il est dit qu'il cassait tout. Et finalement, où est-ce qu'il dormait? Dans le sépulcre. Ce n'est pas là-bas que les gens aiment aller. N'est-ce pas? De nuit, on n'aime pas passer même à côté de là-bas. De jour, peut-être. Bon, mais de nuit, les gens ont peur. Ah, il y a beaucoup de fantômes là-bas. Il y a de mauvais esprits. Il y a ceci. Lui, il logeait là-bas. Mais voilà cet homme qui revient au village. Moi, je vous pose la question. Dans ma langue, on dit que même si le récipient dans lequel il y a le piment est vide, il y a toujours quelque chose qui peut vous faire... Ok. Et on aime dire ça. Vous dites que ça pollue les parties. C'est pas sûr, hein? Ça peut revenir. Et puis, est-ce que... Non, il ne peut pas être normal comme avant. Donc, on va le prendre avec précaution. On va même peut-être se poser des questions. Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que ce type-là est dans son bon sens? Et c'est pas toujours de la folie. La raison, c'est laquelle, voyez, ceux dont les porcs ont été jetés dans l'eau parce que les esprits sont entrés en eux, ils sont repartis raconter en ville. Et il est dit qu'on a supplié Jésus de partir. On l'a pas chassé, hein? On l'a supplié de prière. Parce que s'il a été capable de faire cette puissante chose, est-ce qu'on peut le forcer? Et s'il se retourne contre vous? Donc, la crainte a fait qu'ils ont dit, c'est mieux que tu quittes de chez nous. Mais on n'a pas regardé à cet homme qui était fou, dangereux, qui est redevenu normal. Non, on n'a pas regardé à cela. Lui, voilà ça, Jérusalem. Voyez comment ces gens qui devaient être capables de voir, de comprendre, ils ne peuvent pas comprendre, on le regarde encore avec suspicion. Et ce n'est pas simple pour cet homme. Il est allé au moins, il a obéi. Il est allé, il a publié tout ce que Dieu a fait pour lui. Le message, ce témoignage, c'est en fait ce que Dieu a fait pour nous. Il n'y a rien de sorcier. Mais voyez, ceux qui sont autour ne comprennent pas la chose de cette façon-là. Il y a une raison pour cela que je vais expliquer plus tard. Cet homme, il est dit, il est revenu dans son bon sens. Lui, on lui demande, et c'est ce que le Seigneur Jésus demande de faire, retourne chez toi et dis, raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce qu'il demande de faire. Donc, il faut commencer chez toi. Il pouvait lui dire, va ailleurs, mais il a dit, retourne chez toi d'abord, pour que les gens entendent ce que Dieu a fait pour toi. Mais ces gens ne sont pas toujours prêts à entendre. Regardons le dernier exemple. Le dernier exemple, c'est dans Jean au chapitre 9. L'aveugle né. Dans les deux exemples, on ne nous parle pas de personnes religieuses. Mais ici, dans Jean 9, on nous parle des religieux. Ce sont eux qui disent qu'ils connaissent Dieu, n'est-ce pas? C'était eux qui devaient comprendre beaucoup de choses. Donc, c'est tout le chapitre. Mais nous n'allons pas voir tout le chapitre, nous allons prendre quelques versets. Cet homme aveugle-né, après que Jésus l'ait guéri, il est revenu et tout content, il parlait, de ses voisins ont commencé à parler avec lui. À partir du verset 8, je lis dans ma version Louis II. Ses voisins et ceux qui, auparavant, avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Verset 9, les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Bon. Verset 10, il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui répondit, où est cet homme? Il lui répondit, je ne sais pas. Ça, ce sont ceux qui étaient avec lui. On s'attendait à ce qu'on dise quoi? Gloire à Dieu! Alléluia! Merci Seigneur! Ça, c'est vraiment formidable. Il a recouvert la vue. Il était mendiant, aveugle, posé. Maintenant, il voit bien. Les gens se posent des questions. C'est lui? Non, ce n'est pas lui. Il lui ressemble. Finalement, il dit que c'est moi. Il devait être content, non? Regardez la série de questions. On a commencé à le bombarder de questions. Et la suite, on vous dit, ils l'ont amené chez les pharisiens. On l'a amené là-bas. Verset 11. Le verset 12 et 13. Ils menaient vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Et là, je ne lis pas toute la suite, je vous laisse le soin de tout lire. Les choses vont se corser encore plus. C'est religieux, ceux qui connaissent Dieu, qui devaient dire merci. Ces gens vont commencer à poser beaucoup de questions à cet homme. Au point où ils ne se limitent pas à lui. Ils vont vers qui? Ses parents. Verset 19. Ou même le verset 18. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Qu'est-ce qu'on dit? Et voilà les questions qu'on pose à ses parents. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Et puis ils disent quoi? Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il faut l'interroger, ce n'est pas un enfant. Il a de l'âge. Voyez, ses parents, on les angoisse à cause du fait que leur enfant a recouvré la vue. Au lieu de dire, c'est bien. Mais vous voyez que même les parents sont même dans l'inquiétude aussi. C'est comme si le fait que leur fils ait recouvré la vue devient un problème pour eux. Voilà des gens qui sont dans sa Jérusalem à lui, qui devaient, à travers, rien que le voyant et l'écoutant dire oui, j'ai recouvré la vue, devraient, selon la logique, changer d'idée, chercher à comprendre qui a fait ça, comme la femme samaritaine qui est partie vers les gens. Mais c'est le contraire. On les persécute au point où eux-mêmes se cherchent. Et cet homme, ils lui ont posé une tonne de questions et à la fin, il s'est retourné comme un enseignant lui-même. Il les prend à partie. Il leur dit, vous connaissez Dieu, n'est-ce pas? Est-ce qu'un pécheur peut faire ce que le monsieur a fait? Je sais, vous-même, vous savez cette chose-là, que quelqu'un qui est un pécheur ne peut pas faire ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a dit vers la fin. Et ils étaient fâchés contre lui. Ils sont retrouvés, dit, ah, c'est nous que tu veux enseigner, c'est nous que tu veux chercher à enseigner maintenant. Toi, tu es qui? Et puis, ils l'ont chassé. Moi, je vous pose la question, si on dit à ce monsieur-là de continuer à témoigner, ça va être facile? Pas facile. Mais c'est son contexte, c'est sa Jérusalem. Son témoignage, c'est, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Mais regardez ceux devant lesquels il doit témoigner, regardez comment on le persécute. La vérité est que souvent, notre Jérusalem n'est pas simple. Il n'est pas facile de témoigner dans notre Jérusalem. Ce n'est pas facile. Ceux que nous croyons qu'ils devraient comprendre, nous nous rendons compte que ces gens ne peuvent pas comprendre. Ces mêmes religieux qui devaient comprendre, qui enseignent les choses de Dieu, devraient être à mesure de comprendre ce qui s'est passé. Mais voyez, ils ne peuvent pas comprendre simplement parce que ils sont sous le joug d'un maître. Et le Seigneur Jésus a décrit ce maître-là dans Jean 10:10. Il a dit, il est venu pour égorger, détruits. C'est ça? Ils ont les yeux fermés par ce maître-là. Et il le précise bien. Si vous lisez Marc au chapitre 3, le verset 27, il a dit, on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort et puis ramasser ses biens si on ne l'a pas déjà lui-même maîtrisé. Ce n'est pas possible. Voilà une des raisons, une des choses que nous, en tant que ceux qui doivent témoigner, nous devons être conscients. Nous devons être conscients que, premièrement, nous témoignons vers des gens qui ne sont pas leur propre maître. Leur maître, c'est le diable. Et on ne peut pas les retirer de la main du diable sans avoir au préalable pu le maîtriser. Le fou de Gadara, Jésus a chassé les démons de cet homme-là. N'est-ce pas? Il a détruit leur puissance. Il leur a dit de quitter cet homme parce qu'il avait la puissance nécessaire pour les chasser de cet homme. Et après cela, cet homme est revenu à la normale et s'est assis à côté de lui. On ne peut pas aller témoigner et que ces gens écoutent le témoignage aussi longtemps qu'ils sont toujours sous la puissance de leur maître. Leurs yeux ne voient pas. Les parents de cet homme aveugle, c'est la peur, la crainte du châtiment, d'être chassé de la synagogue, tout ce qu'ils avaient probablement comme, tout ce dont ils allaient jouir, ils allaient perdre à cause de ce fils. Voilà pourquoi ils disent, il faut lui demander. Il a de l'âge. Ces hommes que cette femme qui change beaucoup de mari est allée ameuter, ils sont venus. À la fin, ils ont dit quoi? C'est pas à cause d'elle, hein? Faut que tu saches que c'est pas à cause de toi. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on considère que cette femme de mauvaise vie soit comme une actrice principale dans ce qu'ils ont reçu. Parce que leurs yeux étaient encore fermés. Ils ne comprennent pas. La vérité est que ce témoignage à Jérusalem est difficile à cause du fait que ceux vers lesquels nous devons témoigner sont sous le joug de l'ennemi. Tant que l'ennemi n'a pas été maîtrisé, il n'a pas été lié, il ne peut pas comprendre. Comment est-ce que nous pouvons faire cela? Jésus lui a dit à cet homme aveugle-né de partir. Et il a dit au fou, guéri, de partir et de faire quoi? De dire ce que Dieu a fait pour lui. Témoigner, c'est dire aux hommes ce que Dieu a fait pour nous. Mais maintenant, si nous voulons aller vers eux, il y a une condition d'abord. Il faut que nous parlons de ces hommes-là à Dieu. Parler de ces hommes à Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Vous voyez, on ne va pas ventre en l'air et puis on commence et ça marche. Non. Je vous demande de réfléchir un peu à votre Jérusalem. C'est-à-dire, votre Jérusalem, c'est où? On commence par votre famille, n'est-ce pas? Vos voisins, ceux qui sont avec vous au service, ceux qui sont proches. C'est ça votre Jérusalem. Réfléchissez à votre Jérusalem. Il y a des gens qui aujourd'hui savent que vous êtes chrétien. Mais quand vous ouvrez la bouche pour dire quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Pardon, il faut arrêter ça. Je crois que beaucoup de gens connaissent le frère du pasteur Traoré, Ali, qui a la sonabelle qui est à Bobo. Ali, avant qu'il ne se convertisse, je logeais chez Abdias. En ce moment, ma femme était encore à Dédou, donc on était des célibataires. C'est nous qui faisons la cuisine. Et Ali vient. Il n'a rien fait. Il arrive, il ouvre comme ça. Pou, pou, pou. Et puis, il dit, mais Atna Dominikewa. Abdias dit, bon, Amna Dominikewa, qu'on a mis Tlakana. Il enlève le repas, il vient poser. Et puis, il dit, bon, Amna Aladeli. Il dit, ah, quand même, Afana Tissabarewa. Hein? Ala Dumanoué. Aïe, mon Roma. Et chaque fois, il utilisait toujours de mauvaises paroles pour vous piquer. La raison, c'était quoi? Nous logeons dans leur cour. Voilà. Et quand il arrive, c'est son droit. Et puis pour lui, ah, on raconte des histoires. On le fatigue. C'était un peu difficile pour nous. Mais tu vas dire quoi? Parce que quand il vient, il rentre, il commence à vous insulter. Ah, donc allez loin avec vos chants là. On le regardait comme ça. Bon, on ne disait rien, mais on priait toujours pour lui. Vous savez, quand le monsieur s'est converti, il y a eu jeunesse en mission. Ils ont fait une semaine en tournant dans Orodara pour évangéliser les gens. Ali a été le seul à se convertir. Toute la semaine, il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est converti. Les gens viennent écouter, ils chantent, alléluia, et puis après, tout. Quand on appelle les gens, personne ne vient. Le dernier jour, dans la foule, Ali était arrêté. Et puis, Ali s'est levé. Il est venu. Vous ne pouvez pas imaginer. Le pasteur Koulouel et je, le pasteur Traoré, a versé des larmes. Il allait l'attraper comme ça, versant des larmes. Voilà son frère qui est devenu chrétien. Nous-mêmes, ça nous a beaucoup plu parce que nous savions qu'on n'avait plus de douleur. Vous voyez? Moi qui vous parle, moi aussi j'ai persécuté des gens. Mal même. Si je parle en français, en mauvais français. Quand on veut manger, on dit on va prier, je dis pardon. Jésus n'a pas enlevé l'argent des condiments. Il n'a rien fait ici. Fermez-la. Vous voyez? Ce sont des gens qui connaissaient Christ. Leur Jérusalem, c'est où j'étais, où nous étions. Mais c'était difficile. Une des choses qui peut vous aider réellement, quand vous témoignez dans cette Jérusalem, il faut prier pour ces gens-là. On prie pour eux avant d'aller vers eux. Et on prie continuellement. Il ne faut pas s'arrêter. Ensuite, même quand on va vers eux, on continue à prier. Quand on quitte, on continue à prier. Il faut prier continuellement pour ces gens. Deuxième chose, nous qui voulons jouer ce rôle convenable dans notre Jérusalem, il faut que nous soyons armés de patience et d'un amour comme celui de Jésus. Si nous n'avons pas cela, nous ne pouvons pas. Une femme a témoigné. C'était une chrétienne. Ils ont changé, ils ont déménagé, allé dans une maison en location. Or, dans ce quartier-là, il y avait une dame. Les Moussis disent Gandao. Hein? C'est une dame querelleuse. Il n'y a pas une femme dans le quartier qui peut avoir la paix avec cette femme-là. Que vous provoquez ou pas, elle va venir vous provoquer. Elle était la voisine directe de cette nouvelle chrétienne-là. Elle a utilisé toutes les manières pour la provoquer. La chrétienne ne répond pas. Un jour, elle est sortie et par le mur de sa maison, elle regardait. Elle voyait la chrétienne l'arrêter devant la porte. Elle sait qu'elle la voit. Elle va prendre son seau d'ordure. Elle vient passer sa main par le mur là. Elle verse ça là-bas. Et puis elle attache son paille maintenant. Elle dit, cette fois-ci, elle va répondre. Et ça m'a timba. C'est-à-dire, je vais la piler. Elle va attendre. Elle attend. Rien. Après, elle regarde par-dessus le mur. Qu'est-ce qu'elle voit? La chrétienne là va. Elle prend son balai. Elle vient balayer les ordures là. Et puis elle va verser ça dans son bac. Elle dit, mais ça c'est quelle sorte de personne comme ça? Une femme sans cœur. Vous voyez, elle était énervée elle-même encore. Tu sais, ça c'est quelle sorte de personne? Une femme sans cœur? Non! Ça c'est pas une personne normale. Parce que ce qu'elle attendait, c'était une réaction. Elle a attendu. Rien. Elle n'a pas dormi bien la nuit. Le lendemain, elle allait demander aux gens là. Ni Moussouni, Abta Misri du Mandela. Cette femme-là, elle va dans quelle mosquée? Elle dit, non, que c'est. Elle va à l'église. Dimanche là, elle dit, il faut qu'elle aille voir, comprendre ce qui se passe. Quand elle est rentrée, le pasteur prêchait. Elle ne pouvait pas tenir, elle ne faisait que pleurer. Elle pleurait. Elle ne pouvait pas tenir. Bon, quand un pasteur prêche et puis des gens pleurent, il dit quoi? Son message qui est en train de faire son effet, non? Ça, c'est normal. Oui, à la fin, le pasteur a trouvé que c'était normal quand même de l'appeler et de comprendre pourquoi elle pleurait. Et puis dit, ah, ma soeur, assieds-toi. Et lui pose la question. Ma soeur, quelle est la partie du message qui t'a touché au point où tu pleures? Vous pensez que la réponse sera quoi? La réponse est le pasteur? Non! Elle dit, pasteur, ton message était bon. Mais ce n'est pas ça qui m'a fait pleurer. Ce qui m'a fait pleurer, c'est tout le mal que j'ai fait à ma voisine. C'est ça. Elle ne m'a pas répondu. J'ai fait tout. Et la dernière chose que j'ai faite, j'ai cru qu'elle allait répondre. Elle n'a pas répondu. Maintenant, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Le pasteur a dit, ah, c'est ça. Ok. Et je veux être comme elle. Parce que j'ai fait trop de mal dans ce quartier-là. Je vais être comme elle. Vous avez vu le témoignage de cette femme, sa maîtrise d'elle-même a amené cette femme-là à Christ. Le pasteur a dit, ça, c'est pas un problème. Donc, ils ont prié. Après, le pasteur a dit, tu vas lui demander pardon. Il l'a fait venir. Elle a dit, ma soeur, je te pardonne. Je n'ai rien dans le cœur contre toi. C'est parce que tu ne comprends pas. Vous voyez? Jérusalem, notre Jérusalem est pleine de persécutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut nous armer de patience, d'un amour sans limite et être des gens, des femmes et des hommes qui prient. Sinon, nous ne pouvons pas. Et nous ne devons pas sauter. Si le Seigneur a dit de commencer par Jérusalem en allant, si vous ignorez Jérusalem et vous continuez, il y a problème quand même. Vous n'avez pas vivre dans la paix. Et dans notre Jérusalem, il y a plein de choses, mes frères. Il y en a plein. Moi qui vous parle, moi aussi, j'en ai plein dans ma Jérusalem. Là. Il y en a. Et cela m'a fait beaucoup réfléchir. Je dis, Seigneur, il faut me donner encore assez de patience pour qu'on reparte vers ces gens-là. À plusieurs reprises, je vous ai dit ici que un jour, ces gens vont nous en vouloir. Ce sont ceux qui sont à côté de nous, nos voisins, là, nos parents. Ce sont eux qui vont dire... Ils n'ont pas fait suffisamment. Il ne nous a pas parlé. Il n'a pas insisté. Mais non, ce n'est pas l'insistance. Est-ce que nous prions par leur nom? Est-ce que nous les confions au Seigneur? Nous les nommons. On dit, voilà, mon petit frère, un tel. Seigneur, prends soin de lui. Transforme son cœur. Permet qu'il puisse se connaître. Est-ce que nous prenons ce temps-là? Pas du tout. Parce que nous n'avons pas le temps. Veuillez vous tenir debout, on va prier. Je crois que la seule chose pour que nous puissions être efficaces dans nos Jérusalem, c'est ce qu'il faut faire. Nous devons prier pour ces gens, ces hommes et ces femmes autour de nous, pour qu'effectivement, eux aussi puissent connaître le Seigneur. Le Seigneur a besoin de tous. Il n'y a pas un seul. Et il n'y a pas de technique possible. C'est notre don réel de nous-mêmes. Accepter, supporter et présenter à ces gens un amour comme celui du Seigneur. Cet amour qui l'a conduit à la croix. Prions chacun pour lui-même, parce que nous sommes des instruments et nous devons penser à notre Jérusalem. Nous devons être efficaces. Prions. Père, je voudrais te dire merci. Je te bénis ce matin, Seigneur, parce que réellement, nous avons besoin, oui, Seigneur, d'avoir la persévérance. Nous avons besoin d'avoir la force. Nous avons besoin d'avoir le courage. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir l'amour pour, Seigneur, que notre Jérusalem, ceux qui y sont, qui ne te connaissent pas, qu'ils puissent, Seigneur Jésus, oui, venir. Je te demande cela. Seigneur, tu les connais tous. Tu connais les voies par lesquelles nous pouvons encore les toucher. Donne-nous la sagesse nécessaire à le faire. Parce que nous comptons sur toi. Oui, nous voulons ta grâce. Nous voulons ton soutien, ton appui, ton éclairage. Que ton esprit continue toujours à nous aider. Merci, Père. Je te bénis au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Moumouni de lever la voix, de dire merci à Dieu parce que nous savons qu'il nous a entendus. Excellence, nous voulons te dire merci pour ce message qui nous amène à nous interroger comment évaluer notre témoignage dans notre Jérusalem. Et je pense que chacun de nous a pu s'interroger ce matin à travers tout ce que tu as fait pour nous. Et tout ce qui reste à faire, tu nous demandes simplement d'aller et de dire ce que tu as fait pour nous. Nous voulons te dire merci parce que tu nous as entendus ce matin. Oui, nous avons, Seigneur, continué à témoigner de toi grâce à ta force, grâce à ton esprit. Et nous voulons que tu nous donnes aussi cet amour envers ceux de notre Jérusalem. Parce que sans amour, nous ne pouvons pas te présenter à toi en prière. Oui, Seigneur. Nous ne pouvons pas aussi les annoncer ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, la force, Seigneur, de continuer. Merci pour celui que tu as choisi ce matin pour nous transmettre ce message aussi édifiant. Que tu l'édifies aussi dans son Jérusalem. Que tu lui donnes la force, que tu lui donnes l'intelligence, que tu pourvois à ses besoins de tout genre, Seigneur. Merci de ce que tu béniras aussi sa famille. Chacun de nous ici présents, Seigneur, je te le confie. Je demande que, Seigneur, les jours à venir, chacun de nous soit aussi content que les familles de ces personnes qui ont été guéries et délivrées, Seigneur, de ces attitudes et de ces circonstances, de ces fardeaux. Puisque, Seigneur, tu es venu pour nous décharger de tout fardeau. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus que j'exprime. Amen. Amen. Viens vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse tous. J'allais demander de continuer à prier pour nous.